Bonjour les amis, welcome to French Pod, America. Bonjour à tous, je suis Amaury. We have an intermediate lesson. We're about to have a three-part series on speed dating. Voilà, une nouvelle façon de se rencontrer. A new way for us to meet each other in this fast-paced world we have. 3 minutes or less. Pas plus, pas moins. So is this something that they do in France? Ça existe, oui. It's happening everywhere nowadays, I guess. Je ne sais pas où ça a commencé, mais en tout cas, en France, ça se développe. Yeah, and we had a gal, and she's going to experience three different people on a speed dating adventure. And now she's going to meet the first one, and let's listen to what happens. Bonjour, tu t'appelles Marion, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous êtes? Guillaume, expert comptable. On n'a que 3 minutes, alors je vais être direct. J'ai beaucoup d'exigences envers les femmes. Ah, vraiment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel genre d'exigences? Je suis un homme très occupé et aussi maniaque. J'aime l'ordre. La femme idéale, elle doit comprendre ça et m'aider, tout simplement. Vous aider? Et comment? Elle doit par exemple savoir cuisiner. Tu sais cuisiner? Non, c'est pas vraiment mon truc. Je ne cuisine pratiquement jamais. C'est pas grave ça. Ma mère peut t'apprendre. Si tu ne sais pas repasser, elle peut aussi t'aider. Combien de temps il reste? Alors, tu le prendrais, toi, celui-là? I think not. Non. Next. Next one. All right. So, he confirms whether he got her name right. Tu t'appelles Marion? Oui, c'est ça. And him? Donc, il s'appelle Guillaume et il est expert comptable. C'est un comptable. Somebody who counts. Exactement, hein, qui est dans les chiffres, qui est une personne assez droite, à mon avis. An accountant. Oui. But he's an expert. C'est un spécialiste. And that means he's certified, right? A certified accountant. Exactement, oui. Expert comptable. So, how long do they have? Ils n'ont que 3 minutes. On n'a que 3 minutes. Oui. So, let's get to the point. Alors, je vais être direct. Let's get to the bottom line. What's his bottom line? J'ai beaucoup d'exigences envers les femmes. So, let's get the word in the middle there. Exigence. Which is what? Donc, ça vient du verbe exiger. To require. Exactement. So, an exigence is a requirement. Oui. So, il a beaucoup d'exigences envers les femmes. So, you know, he expects a lot of women, actually. Exactement. Il a beaucoup d'exigences envers les femmes. Mm-hmm. And she's a little taken aback. Elle est étonnée, hein. Évidemment, elle se pose la question, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Quel genre d'exigence? What kind of exigence? Quel genre d'exigence? What's interesting, though, she says, qu'est-ce que vous voulez dire? And she uses the vous form. Oui. But he's been using the tu form with her. And we'll talk about that later, actually. We're going to talk a little bit about the vous tu thing. Why they're using one versus the other. Donc, lui, il est là pour tout expliquer. Okay. Il lui dit qu'il est un homme très occupé. Hey, je suis très occupé. Il est sûr que c'est un expert comptable. Eh ouais. Il n'a pas du temps. En plus de ça, il est maniaque. Maniaque. You know, it's such a French word. It's so funny. I'm not sure there's a direct translation. So, let's just give you some examples. Tous les jours, je range mes habits de la même façon. Je mets ma brosse à dents exactement au même endroit. Et je range toujours mes livres dans l'ordre alphabétique. Tu es maniaque. Actually, it's what he says after. It's somebody who likes order. Exactement, oui. Like, hey, don't mess up my desk, okay? I'm a little maniaque when it comes to that. Ouais. Et maniaque, ça vient du mot manie, qui sont des petites habitudes. Oh, okay. It doesn't come from maniac. Non, c'est savoir des manies, des habitudes. Oh, I didn't know that. So it comes from the little habits. Voilà. Being obsessive compulsive, actually. C'est ça que ça... So il est maniaque. Il aime l'ordre. Il est très occupé. Très occupé dans sa vie. So for him, la femme idéale, the perfect woman... Cette femme idéale, elle doit comprendre ça. Oui. And, et l'aider, tout simplement. Tout simplement, quite simply. Jolie expression française. Mm-hmm. Just that simple. Tout simplement, Erika, c'est ça? Just all there is to it. This guy. Il est maniaque, il aime l'ordre. Et il est comme ça, tout simplement. And so she's like, what are you talking about? What exactly do you mean by aider? Oui. Donc il lui explique que la femme idéale doit savoir cuisiner, par exemple. Savoir cuisiner. Is there a difference between faire la cuisine and cuisiner? Non, c'est la même chose. Et they both mean to cook. Oui. And la femme idéale doit savoir cuisiner. Et directement, il lui pose la question. Il veut savoir, tu sais cuisiner? And what she answers is great. A really great French expression. Ce n'est pas vraiment mon truc, non. Ce n'est pas mon truc. Okay, let's look at that a minute. So, what is truc? C'est une chose, un truc. Yeah, it's like my thing. Mon truc. Voilà. So, ce n'est pas mon truc. You know, it's not my thing. Yeah, I'm not into that. I'm not, it's not my thing. Oui. Ce n'est pas vraiment mon truc. Like, for example, Amaury, do you like stuff about marriage and family and kids and all that? Non, ça, Erika, tu sais, ce n'est pas vraiment mon truc. C'est pas ton truc. Et toi, Erika, est-ce que tu aimes beaucoup le football? No, really, ça, ce n'est pas mon truc. And her, cuisiner, ce n'est pas son truc. Voilà. And she says that she hardly ever does it. Oui, donc voilà, elle dit qu'elle ne cuisine pratiquement jamais. Pratiquement jamais. Hardly ever. Oui. But he's like, don't worry, that's not a reason to think you're not ma femme idéale. Because we can find a solution to it. C'est pas grave. Alors sa solution, lui, que sa mère peut lui apprendre à cuisiner. Apprendre. Normally, we learn this word to mean to learn. Oui. But you can learn someone in French. Okay, I'll learn you how to do this. Je vais t'apprendre. Exactement, oui. And she can apprendre lots of things from his mom. En plus, si elle ne sait pas repasser, sa mère sera là également pour lui apprendre. Repasser, to iron. Oui. Repasser, repass back and forth over your shirt. Repasser. Sa mère peut aussi l'aider. Yes. Sa mère is capable of teaching her all of these domestic skills. Tout ce qu'une femme idéale doit savoir aujourd'hui. Right. So, is she interested? Pas vraiment. Elle veut savoir combien de temps il reste. Combien de temps il reste? Oui. You could say also, il reste combien de temps, right? Oui. So, first one sounds like it was a dud. All right, let's listen to the dialogue again. Bonjour, tu t'appelles Marion, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous êtes? Guillaume, expert comptable. On n'a que 3 minutes, alors je vais être direct. J'ai beaucoup d'exigences envers les femmes. Ah, vraiment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel genre d'exigences? Je suis un homme très occupé et aussi maniaque. J'aime l'ordre. La femme idéale, elle doit comprendre ça et m'aider, tout simplement. Vous aider? Et comment? Elle doit par exemple savoir cuisiner. Tu sais cuisiner? Non, c'est pas vraiment mon truc. Je ne cuisine pratiquement jamais. C'est pas grave ça. Ma mère peut t'apprendre. Si tu ne sais pas repasser, elle peut aussi t'aider. Combien de temps il reste? Well, one of the interesting things that happened in this dialogue was all the vous versus the tu. Right. He was using tu and she was using vous. So to explain to us this French phenomenon of the vous and the tus, we brought in the vous tu expert, Christella. Hi, everyone. En personne. Bonjour. Bonjour. Now, first, he starts with tu. Why? Because he's a little arrogant and pushy, and he just wants to be really direct. Like, he wants to make her feel that they're already friends. Okay, so it would have been the polite thing there to use the vous. Yeah, it would have been very polite to say vous. Even if they were the same age? I mean, how would he know? Because it's the first time they meet, right? Right. But if they're really young people, he can go, do you mind if I use tu? So you would ask first. Yeah. Okay. Normally when someone uses tu with you, that means it's okay for you to use it with them, right? True. But she doesn't. She doesn't because she thinks he's a little too arrogant and just too straightforward. So she uses vous pour mettre de la distance. Okay. She wants to show him, pourquoi est-ce que tu utilises tu? On ne s'est même pas encore présenté. Uh-huh. So that creates a distance between them. Yeah. The vous is a powerful tool. It is. Use it. Like when someone is really rude to me on the street, I use vous always. Really? Yeah. But on the street, you would normally call someone tu? I wouldn't call someone tu, but if someone is being rude to me or... Let's say, if I'm in the bus or in the subway and someone pushes me, I'm going to use vous, always. Okay. Just to show them distance, to show them that I'm showing respect, but you're not showing respect to me. Okay, it's so funny how vous, in some ways it can be disrespectful if you use tu instead of vous, but then in that case, it's disrespectful if you use vous. But let's just stick to the context here, let's learn them one at a time. In this one, in this context... Her using the vous, especially continuing it while he was tuing her, was to create distance and show she's really not that impressed. Yeah, not that impressed. Create distance. Back off, tout simplement. Tout simplement. Eh bien, tout le monde, j'espère que ces explications vont vraiment vous aider. Vous, not because we're trying to create distance, because there's more than one of you. True. You are plural French pod listeners. That was the vous tu explanation of the day by the vous tu expert, Christella. À bientôt, Christella. Merci. To the French pod listeners, come to FrenchPod.com if you have any questions or anything. We're here for you. Merci. Salut. Au revoir.